clair, obscur. Les musiques sombres sur Rage. Bonsoir à tous et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage. Et par cette froide nuit d'hiver de décembre, c'est toujours Stéphane qui est là pour vous accueillir en compagnie de sa complice dans le crime, Nathalie. Bonsoir. Toujours là, bonsoir à tous. Et pour vous accueillir dans cette émission, ce soir c'était Depeche Mode avec Black Celebration, sorti de l'album, tiré de l'album du même nom, sorti en 1986, Black Celebration. Le morceau d'introduction de l'album, en introduction de cette émission, et effectivement c'est à une célébration des musiques sombres qu'on vous convie pour la deuxième édition ce soir, la deuxième édition en décembre, la deuxième édition et dernière pour 2008, mais ce sera pour mieux vous retrouver en 2009 avec des tas de bonnes choses et beaucoup d'humour, d'amour et de musique. Et de musique, bien entendu. Alors, Black Celebration, donc le groupe de Dave Gahan, et on va passer du groupe d'un beau gosse pour aller vers le groupe d'un autre beau gosse, puisqu'il s'agit de Trent Reznor, qui lui s'illustre plutôt dans le style rock indus, et qui nous a sorti en 1994 un album absolument magnifique, The Downward Spiral, qui était le troisième ou le deuxième, ça dépend comment on compte le second album, qui était plutôt un EP qu'un vrai album. Bref, toujours est-il que c'était en 1994 et que ça a vraiment marqué leur discographie, puisqu'il s'agissait du premier album sur le label que Trent Reznor avait créé d'ailleurs, pour avoir les mains libres au niveau création musicale. Et c'est un album qui illustrait, comme son nom l'indique, une spirale de descente aux enfers, vous l'aurez compris, puisqu'il s'agissait, parmi les paroles et les différents morceaux qui se succédaient au fil de cet album, de l'histoire d'un homme qui se lançait dans une spirale d'autodestruction jusqu'à son suicide. Pour l'info d'ailleurs, l'album avait été enregistré dans la maison où Charles Manson, ce triste sire des années 60, un des premiers serial killers les plus célèbres des États-Unis, tua Sharon Tate, sa victime la plus célèbre. Ah, le donc, détail jusqu'au bout. Quoi. Voilà, donc ça peut se ressentir dans l'ambiance de l'album quand on l'écoute. C'est déjà un album très impressionnant quand on ignore ce détail, et une fois qu'on l'apprend, c'est vrai que ça explique peut-être certaines ambiances un peu glauques qu'on peut entendre au fil des chansons. D'ailleurs, c'est un album où il y a des chansons vraiment aériennes, atmosphériques, mélancoliques, et d'autres un petit peu plus dansantes, un petit peu plus rythmées, comme ce morceau qu'on va écouter tout de suite, avec Trent Reznor, Nine Inch Nails et le morceau Closer. I'm all Et à l'instant, c'était Nine Inch Nails avec le morceau Closer et la voix de Trent Reznor et sa harge et sa rage et sa hargne, pardon. Et une info qu'on vient d'apprendre, que notre camarade de tapage nocturne, Mirek, vient de nous apprendre, puisqu'il y a une actualité à propos de Trent Reznor, un coup de gueule qu'il a passé, et à juste titre d'ailleurs, et que vous pourrez vérifier sur Internet d'ailleurs, puisque c'est sur le site Revolver Mag qu'on a appris ça. Et d'ailleurs, Mirek, je vais t'allumer un micro, tu vas venir nous en parler, tu le feras sans doute mieux que moi. Bonsoir à tous, oui, ben en fait, en parlant de Trent Reznor et de Nine Inch Nails, Revolver Mag, donc un magazine qui est quand même, qui a pignon sur rue, en tout cas aux États-Unis en matière de rock en général, de métal et aussi de gothique, a fait passer cette info sur leur site, c'est-à-dire que la musique de Trent Reznor a été utilisée sans sa permission, bien évidemment, pour pratiquer à des séances de torture en Afghanistan, en Irak, à Guantanamo aussi. Donc, Trent Reznor a réagi et a fait une déclaration à ce sujet. Je l'ai traduit très rapidement, donc je vous dis ça comme ça vient. Il est difficile donc pour moi, Trent Reznor, bien entendu, d'imaginer quelque chose de plus profondément insultant, insensé et révoltant que de découvrir que la musique dans laquelle vous avez mis tout votre cœur et toute votre âme soit utilisée dans le but de torturer autrui. S'il y a des recours légaux qui peuvent être mis en œuvre, ils vont être poursuivis avec l'aide financière des organismes défendant les droits fondamentaux. Et à la fin, il finit par remercier Dieu que les États-Unis, son pays, soit débarrassé de la bureaucratie et des méthodes utilisées par le gouvernement de George Bush dans très peu de temps. Voilà. Bah écoute, c'est vraiment, ça fait vraiment bizarre. On discutait d'ailleurs sur le fait que dans son film Michael Moore, dans son film Fahrenheit 9/11, donc jeu de mots sur Fahrenheit 911 de Ray Bradbury, montrait que cette même musique, donc Indus Rock, était utilisée par les soldats américains, mais là sans aucune consigne de l'état-major ni du gouvernement, par des jeunes soldats, donc un peu bas du front, hein, pour ainsi dire, et à la gâchette facile parfois, pour se donner un petit peu un coup de speed, en fait, quand ils sont dans des situations où le stress est effectivement très présent pour eux parce qu'ils sont exposés aux tirs ennemis, donc dans le centre-ville de Bagdad ou alors dans les régions un petit peu à risque de l'Irak. Bon, on pourrait aussi ironiser sur le fait que dans le centre-ville de Détroit, tu es aussi exposé aux tirs, mais là, c'est des gangs divers et variés et pas forcément des chiites, des sunnites. C'est aussi un autre documentaire de Michael Moore. Dans ce cas, ce serait plutôt Bowling for Columbine pour ce cas-là. C'est-à-dire que les Américains ont cette fâcheuse manie à se tirer un peu dessus pour tout et pour n'importe quoi, surtout. Il y a même un flingue qui s'appelle Saturday Night Revolver, un truc comme ça d'ailleurs, qui est vendu par une petite entreprise de la région de Chicago et donc qui sert au règlement de compte du samedi soir. Et après, tu peux le jeter parce qu'il doit coûter l'équivalent de 60 euros, tu vois, c'est pas cher pour un flingue. Le flingue bic, quoi. Exactement, tu as trouvé l'expression. Donc voilà, la musique de Trent Reznor nous aura mené un petit peu loin ce soir, mais c'est vrai que c'est un fâcheux incident qu'on vient d'apprendre et on espère que ça tournera court assez rapidement. C'est tout ce qu'on souhaite à ce grand homme de la scène rock indus, en tout cas. On va passer à quelque chose d'un... Merci Mirek, hein, pour cette info. Merci beaucoup. C'est vrai que il fallait le dire et de toute façon vous pouvez vérifier sur revolvermag.com, c'est bien ça? Tout à fait, en un seul mot, revolvermag tout attaché.com. voilà, très bien. Et bien, on ne manquera pas d'aller jeter un coup d'œil et on va passer à quelque chose d'un petit peu plus ludique, hédoniste, hein, puisqu'on va rester dans le punk rock ce coup-ci avec un groupe américain lui aussi qui s'est fait connaître le jour d'Halloween justement pour marquer le coup. Et ça s'appelle les Dead Vampires. C'est un groupe qui s'est créé à Seattle en 2004 et qui a sorti son deuxième album, The Day After Halloween, curieusement le jour même d'Halloween. Donc c'était le 31 octobre, il y a un petit peu plus d'un mois. Et c'est pas vraiment du psychobilly parce qu'ils ont que des instruments électriques, ils n'ont pas de contrebasse, donc ce gros instrument en bois qui orne les scènes du groupe de psychobilly. Mais ils font du punk rock et ils se définissent même comme faisant du horror punk. Et je vous confirme qu'après avoir vu certaines de leurs photos, ça me fait penser un petit peu à des scènes de films de Tim Burton, ou alors à cet imaginaire mexicain de la mort avec les crânes en sucre, tout ça, vous savez. À la fête c'est, des morts. Voilà, exactement. C'est très spooky comme style visuel et c'est très très très drôle. Avec des crânes fluo sur la pochette et dans leur maquillage de scène, c'est assez outrancier, mais en même temps c'est très drôle. Et ils sont sortis sur un label spécialisé dans ce style musical qui s'appelle Robot Monster, et en tout cas un label à surveiller, puisque s'il nous sert des albums de ce calibre-là, on ne s'en plaindra pas. Moi, je vous propose de découvrir ça avec un morceau tiré de ce dernier album, The Day After Halloween, un morceau dont vous avez sans doute déjà entendu le titre si vous êtes fan des vieux films de Frankenstein, puis qu'il s'appelle Abracadabra. Le rire du Butchou me fait triper à chaque fois que j'écoute ce morceau. À l'instant, c'était The Dead Vampires avec Abracadabra. Ce rire très très rock'n'roll, finalement, je crois que ce petit gamin aura des choses à chanter et à hurler sur scène, comme son papa peut-être, dans quelques années. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus contemporain, peut-être même d'un petit peu plus futuriste, puisque oui. Tu as sorti ça d'une série de science-fiction. Oui, une série fantastique, si je vous dis Battlestar Galactica. Donc à la base, une série des années 70, qui a été reprise version beaucoup plus moderne maintenant, qu'on va retrouver sur pas mal de chaînes science-fiction, et avec une BO d'enfer. En plus d'avoir un esthétisme très très sympathique, on va avoir une BO d'enfer, dont un des morceaux où j'ai eu moi un coup de cœur à la fin d'une des saisons, au moment clé de l'intrigue, il y a une reprise d'un morceau nommé All Along the Watchtower. À la base, un morceau qui a été repris, chanson de Dylan, repris par Clapton, repris par pas mal de monde. Et là, c'est une interprétation totalement différente, et moi qui m'a prise au trip, qui est faite par McCreary, qui est le compositeur attitré de la série, où on va le retrouver très très régulièrement. Et voilà, donc un morceau, moi, qui m'a mis une claque. Donc je vous laisse découvrir ça. Thank you. Clair obscur. Les musiques dark sur Rage. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. Thank you. à l'instant dans vos oreilles les très très fameux Clank Xymox avec Consolation de l'album Créature, sorti en 99. Très très bon album, très très bon groupe mythique de la scène dark, qui est passé il n'y a pas très longtemps à Marseille. Donc, le 1er novembre, je me souviens, j'y étais, moi, c'était pas. Un très bon... Eh, hey, t'es dégoûté, hein. Oui. Vas-y, pleure, vas-y, attends, j'adore te voir faire la grimace. Tu es méchant, ça se paiera. Mais oui, je t'inviterai à leur prochain concert, sans doute aussi au Poste à Gaën, parce qu'ils aiment bien passer dans les grandes salles et les petites, et c'est un bonheur pour nous, public, qui les aimons, qui les apprécions, d'autant plus qu'ils sont très accessibles. Voilà, après. Ce qu'on m'a dit, très très bon retour avec le public. Ce qui est rare, parce que certains groupes, malheureusement, n'ont pas ce contact avec un groupe les installé gens. Comme eux depuis le début des années 80 pourrait se prendre au sérieux, ce n'est pas le cas, et tant mieux. Alors, après, maintenant, on va enchaîner avec un autre registre, un groupe nommé Heart, avec le titre Overdose. De l'album, alors ils se sont pas foulés pour le nom de l'album, c'est vrai, ils l'ont appelé volume 1, et le suivant ils l'ont appelé volume 2, donc jusque là ils vont pas chercher très très loin. Un titre qui est assez mouvementé, comparé au reste de l'album, c'est un album qui varie sur chaque titre, on est sur des registres différents. Et donc cet album Overdose, franchement moi je suis loin d'en faire une overdose, j'ai trouvé ça dans la discothèque de ma moitié complètement par hasard, et avant d'en faire une overdose, vraiment il y a de la marge, je vous laisse découvrir ça. I'll take one, 'cause I needed to feel it so much. I had an emotional crutch, but I'm feeling bored, so I'll take some more, 'cause nothing is happening at once. You told me you loved me so much, I foolishly began to trust, but now I'm ignored. I'm taking more till something is happening. Really happening. happening. Savoir, mon ami. As-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune? Clair obscur. We'll be right back. et c'était Dazich. Vous l'aurez reconnu, je pense, grâce à leur style très très particulier de l'album Antichrist, datant de 2004. Le titre, alors, pardonnez si je massacre un petit peu, c'est Creek in Paradise. Stéphane, traduction. Yavol. Je crois que je suis aussi nul que toi en allemand, non, et pour des gothiques, c'est un petit peu craignos, mais il faut le reconnaître. C'est Krieg im Paradies, donc la guerre au paradis, si ma traduction est bonne. Et c'est un titre de facture assez classique pour Dazich, j'ai l'impression, non? Oui, groupe de scène essentiellement. Hein. Leur production reste assez égale, moi je trouve. Enfin, bon, c'est mon avis personnel. Mais mais je le partage et on est sans doute plus nombreux. Alors, ce qui n'empêche pas que c'est un groupe qui a beaucoup d'aficionados parce qu'il le mérite, parce que c'est un groupe de qualité. Néanmoins, d'un album à l'autre, j'ai parfois l'impression que c'est un petit peu toujours la même chose. D'ailleurs, comme tu l'as dit, c'est un groupe de scène et on a eu l'occasion de le vérifier. Certains de nos amis ont eu l'occasion de le vérifier. À Marseille. Au Poste à Galène. Et ils ont énormément apprécié. Groupe très sympathique, chaud d'enfer. Voilà, donc pour les amateurs, ça a été le pied. Et on va passer à quelque chose d'un petit peu plus calme, de facture un peu plus classique, mais classique médiévale. Un de mes groupes préférés, j'avoue. Donc Quental, on en avait déjà passé pour la première, un petit titre la semaine dernière. Là, on va rester dans le registre Quental, un peu moins médiéval, parce que c'est leur cinquième album, on depuis en ont sorti un autre. Donc, album numéro 5. Ils s'embêtent pas, ils font Quental 1. C'était en 2006 et il s'appelait Silver Swan, c'est bien ça. C'est ça, donc Quental 5 avec le titre Levis. Thank you. À l'instant, c'était Kuntal avec le morceau La Vis, si je prononce bien. Et c'était donc le groupe préféré de Nathalie, le groupe qu'elle adule entre tous, dont elle a tous les albums et des photos sur son disque dur à tire-larigot. Et c'est le cas aussi pour moi, mais pour un autre groupe, puisqu'on va parler maintenant d'Ataraxia, un autre groupe assez connu sur la scène gothique et un petit peu au-delà. Un groupe reconnu qui s'est créé au début des années 90 dans la vague Cold Wave et qui a très vite évolué vers une tendance un petit peu plus médiévale, Heavenly Medieval. Et moi, c'est un album, c'est un groupe qui a sorti beaucoup d'albums, mais à propos duquel j'ai du mal à rester sobre, à rester, à avoir ce stoïcisme qui me caractérise, n'est-ce pas, Nathalie? Mais tu puisque, t'enflammes, là, ça se voit. Voilà, rose aux joues. Je trépigne parce que parler d'Ataraxia en restant calme, pour moi, c'est très dur. J'ai été amoureux de la chanteuse pendant des années. Oh, c'est mignon. Oh oui, c'est mignon. Je lui ai écrit des poèmes, hein. T'as je lui ai envoyé, hein. Je suis un fou, hein. Quand j'aime, je ne compte pas. Et effectivement, Ataraxia, donc un groupe qui compte beaucoup pour moi, qui a fait des albums absolument merveilleux, dont celui que je vous ai ramené ce soir, qui est sorti en 1998, Historiae, un album sur lequel ils chantent en latin, où ils ont adapté des vieux textes et écrit quelques-uns en latin. Un album qui est sorti sur le label Cold Meat Industry, leur premier album sur ce label-là, et non pas le dernier, ça je vous le garantis. Et je vous propose d'en écouter un extrait, le morceau d'introduction, Hydra Yali. Thank you. Et c'était Hydra Yali, donc titre d'Ataraxia, le groupe préféré de Stéphane. Oui. Oh, mais doucement, il faut le calmer. Hein. Enfin voilà, donc juste avant, il y avait Quental, mon groupe préféré. Et en parlant de tout ce qu'on apprécie, on va vous parler aussi un peu des soirées qu'on aime bien, des soirées à venir. Je pense que tu as quelque chose à nous dire sur ce plan-là. Comme la soirée d'ailleurs organisée par l'association de Nîmes Shadow Assembly, qui a déjà organisé depuis un peu plus de 6 mois de très bonnes soirées dans la région. Et il réitère, s'il vous reste un petit peu de sous et un petit peu d'énergie au lendemain de calories votre... Calories à brûler aussi. Voilà, aussi hein, au niveau des poignées d'amour. Un petit peu donc... d'énergie donc pour le à la suite de votre réveillon de la Saint-Sylvestre, ça se passera à Alès pour une soirée gentiment fétiche, hein, ne vous en faites pas, ce sera 15€ et c'est sur le site de Shadow Assembly sur MySpace que vous pouvez prendre des renseignements. Toutes d'ailleurs, on précise qu'on recevra les membres de l'association Shadow Assembly au mois de janvier. Pour une émission à laquelle ils viendront participer. On vous en dit pas plus pour le moment et c'est une manière pour nous de vous donner rendez-vous en janvier. On fait durer le suspense. Et on va se quitter pour vous dire, vous souhaiter bonne année, passer de bonnes fêtes de fin d'année. On va vous dire à l'année prochaine. À l'année prochaine, dans 15 jours. Et après l'émission, c'est la rediffusion des Fous du Stade. Et nous, on va se quitter avec un groupe pop-rock, comme à notre habitude. On va se quitter avec quelque chose qui n'est pas proprement gothique, mais qui reste dans les mêmes émotions. Et ce sera bien le cas encore ce soir avec Brian Molko et le groupe Placebo, qui avec leur deuxième album, Without You, I'm Nothing, a atteint le sublimissime de ce qu'un groupe de pop-rock peut faire. Un peu comme avec OK Computer et Radiohead. Et moi, je vous propose de nous quitter avec le morceau, justement, Without You, I'm Nothing. Sans vous, chers amis qui nous écoutez, nous ne sommes rien. Et c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Allez, on se quitte avec ça. Gros bisous. Bisous. Bonne année. À l'année prochaine.